Alléluia. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous transmettons également les salutations de notre frère Pierre Kazadi, le berger du tabernacle chrétien de Lubumbashi. Et le frère Daniel Mouland, le berger du tabernacle de Kanyaka, Muchungaji wa makutano ya Kanyaka, mais aussi de d'autres frères qui sont loin, na tena ya banduku bengine beko mbali, le frère Hervé Noël, Nduku Hervé Noël, notre ancien de l'Assemblée chrétienne de Lyon en France. Musée wetu wa makutano ya ba Kristo ya Lyon ya kule ku France. Et encore beaucoup d'autres qu'on ne peut pas tous les nommer. Na bote bengine bala tuweza ta kutaja hapo. Il y a aussi le statut frère Charles Kayembe. Na kuko tena ndugu wetu Charles Kale Kayembe au Benin. Il a demandé que nous puissions vous transmettre leurs salutations. Na et puis arisema tumilete masalamu yake. Que Dieu nous bénisse tous. Pour moi, c'était avec beaucoup de joie que je me suis retrouvé au milieu de vous. C'est pour la première fois. J'ose croire que si telle est la volonté de Dieu, avant l'enlèvement, on pourra encore nous revoir. Amen. Amen. D'avance, merci pour votre accueil et pour l'amour que vous nous témoignez. C'est à cause du sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse la maison de mon frère Ngoï Ndai, qui m'a reçu avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour fraternel. Mettons-nous debout. Nous continuons toujours le sujet de notre prédication. La promesse du Père. Malako ya Baba. Je viens de voir que la technique a écrit aujourd'hui la promesse de notre Père. Leo minaona bafundi bananjika sema malako ya baba yetu. Mais nous avons dit la promesse du Père. Je tulisema ni malako ya baba. Amen. Nous allons lire dans Luc 24. Tasoma muluka makumi mbili na ine. Pour gagner du temps. Joku no wakati. Lisons à partir du verset 44. Tuisome kuanzia mstari ya makumi ine na ine. Comme nous vous l'avons dit hier, nous n'amenons pas de nouvelles choses. Parce que l'Église du Seigneur, au temps de la fin, avec la révélation de la parole, nous pouvons dire sans crainte d'être contredit que l'Église est suffisamment enseignée. Mais comme nous sommes des hommes, il peut y arriver qu'une pensée n'est pas bien comprise. Parce qu'un homme prédicateur soit-il, il ne peut pas parler du début à la fin, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur. Même les prophètes aussi, ils avaient des moments où leur langage n'était pas bien compris. Nous lisons à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse. Donc ça ne pouvait pas rater. Amen. tout ce qui est arrivé à notre Seigneur, tout a été comme disent les Saintes Écritures. Tout ce qui t'arrivera m'arrivera comme enfant de Dieu. Tout doit être fait selon les Saintes Écritures. Amen. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut comprendre les Saintes Écritures. Voilà pourquoi il a promis à ses disciples, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, y compris la RDC jusqu'à Kambove, à commencer par Jérusalem jusqu'à Kambove. Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous pouvez vous asseoir et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Souvenez-vous que Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un autre jour, il le voit venir. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui qui viendra après toi, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et comme nous l'avons dit encore hier, ne vous trompez pas, bien-aimés. Sur cette expérience du vrai baptême du Saint-Esprit, personne ne peut influencer Dieu. Tes jeunes et prières ne peuvent rien faire. Amen. Nous lirons quelque chose avec vous et ce que les hommes de Dieu de notre temps nous ont dit. C'est l'expérience que la personne reçoit de la part de Dieu. Et Dieu ne le donne qu'à ses enfants nés de lui. Sortis de lui. C'est-à-dire engendrés par lui. Ici de lui. Amen. Tu dois être conscient que si je suis enfant de Dieu, j'étais en lui pour que je sois manifesté. Je suis sorti de lui. Me voici. Amen. Amen. C'est une réalité. Chacun de nous n'était pas sur cette terre à un moment donné. N'est-ce pas vrai? Mais ton père et ta mère, ils ont connu les relations d'amour et quelque chose est entré. Tu es sorti de ton père pour être reçu dans ta mère. Amen. Amen. Amen. Et un jour, ton papa a vu que la situation de ta femme change, qui est ta maman. Nous avons des sœurs qui sont des mamans ici. Généralement, traditionnellement, on commence à voir la femme commencer à cracher. Poum, poum, poum. Là, on soupçonne, ah, il y a quelque chose. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense qu'il y a quelque chose. Un mois après, je n'ai pas eu mes règles. C'est qu'il y a quelque chose qui est entré. Je suis enceinte. Amen. 9 mois après, l'enfant bouge. Il ne veut plus rester là parce que le temps de manifester la vie est là. Et là, on commence à courir. Dans nos villages, il y avait des mamans qui savaient comment aider une femme enceinte, comment accoucher. Dès que l'enfant sort, premier gifle pour le secourir afin qu'il puisse lancer les cris. Dès qu'il crie, la vie est manifestée. Et comme on était encore jeune, ça ne s'est fait plus. Mais nous, quand on était jeunes, quand la femme a accouché à la maternité, on mobilise les voitures du quartier. Ceux qui n'ont pas de voiture, ils pouvaient louer même 5 voitures selon le moyen ou 10. Parce que c'est un jour de fête. Un enfant est né, on va maintenant le faire ramener à la maison. Et on commençait à chanter à Kinshasa. Pipi, pipi, pipi, pipi, kobo telengi, pipi, pipi, kobo kolopas. Oh, Mateso. Amen. Les anciens savent ça. Bazamani, même ici, partout, il y avait la joie quand la maman sortait de la maternité. Si les hommes peuvent se réjouir, qu'en est-il de Dieu avec ses enfants? Voilà pourquoi il est dit dans la parole, si un seul personne, une seule personne, une seule âme se répande, il y a la joie dans le ciel. C'est ça la naissance. Souvenez-vous du brigand à la croix. Le baptême d'alors, c'est le témoignage de la personne qui est déjà née. De celui qui est déjà pardonné. Amen. Celui qui croit maintenant dans cette salle. On va te baptiser demain. Si tu meurs ce soir, ne pleure pas, tu as déjà la vie éternelle. Amen. L'homme à la croix, il a seulement reconnu ce qu'il était. Il a dit à son collègue, nous méritons notre mort ici. Nous avons été bandits. C'est ça sa confession. Et tournant le regard vers le sauveur, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Parce qu'il a dit à son ami, lui n'a rien fait de mal qui mérite ça. C'est un innocent qui meurt à cause de nous. Alors souviens-toi de moi. Je reconnais que tu es sauveur. Tu reviendras dans ton royaume. Souviens-toi de moi dans ton royaume. Et le Seigneur dit, aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui, tu n'iras pas même dans le baptême. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Celui qui te sauve, c'est ton Dieu. Parce qu'il a dit, c'est moi votre Dieu qui vous sauve. Ce n'est pas l'enfant de Marie qui nous sauve. Oh Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Marie ne peut pas prier pour toi. Elle-même a dit, voici je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a cru. Elle a aussi attendu la promesse du Père dans la chambre haute. Lisez. Elle était aussi baptisée du Saint-Esprit avec les 120 dans la chambre haute. Ne perdez pas le temps de passer par Marie. D'ailleurs, il nous est interdit d'invoquer le mort. Il nous est interdit d'évoquer le mot. Ceux qui invoquent Branham, ils sont fous. Ceux qui invoquent les saints, ils sont fous. Tu n'es pas saint après ta mort. Maintenant, ma soeur, tu es sainte de Dieu. Mon frère, tu es saint de Dieu. Si vous lisez dans les Épîtres, tous les apôtres écrivaient au saint vivant. Au saint de Cambove. Réjouissez-vous. Car vous êtes les saints de Dieu dans cette vie. Amen. Prenons acte 2. Acte chapitre 2. Marie, c'est notre sœur. Maria, ni dada yetu. Elle n'est pas notre mère. Ashina mama yetu. C'est notre sœur. Ni dada yetu. Notre sœur en Christ. Dada yetu katika Christu. Acte 2, verset 32. Matendo ya mitume sura ya pili mstari wa 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Ni Yesu bo Mungu alifufula shebo wote tuko bashuda. Élevé par la droite de Dieu, écoutez maintenant, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu es baptisé du Saint-Esprit dans ton coin. Et tu arrives ici. Tu commences à parler dans une langue qu'on ne sait même pas c'est quoi. Pour montrer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais tu imites les pentecôtistes. Tu imites les pentecôtistes. L'expérience véritable du baptême du Saint-Esprit en ce temps de la fin doit être comme ça a été fait au commencement. Aujourd'hui, Dieu baptise du vrai Saint-Esprit. Toi, tu as seulement l'obligation de venir écouter la parole, de croire la parole, d'accepter d'être repris, corrigé, d'accepter d'être conduit, implorant toujours la grâce de Dieu, disons, Seigneur, garde-moi dans les limites de ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Plus tu manges la parole, plus tu es lavé, plus tu es sanctifié, plus tu grandis dans la foi, et lui-même sait quand tu es prêt. Et quand tu es prêt, tayari, il te baptise du Saint-Esprit. Na Roho Mtakatifu. Le baptême du Saint-Esprit signifie Roho Mtakatifu mana Dieu, yake ni Mungu, Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe, pas le Fils de Dieu, apana mwana wa Mungu, pas les anges, apana ba malaika, mais Dieu lui-même, Mungu ye mwenyewe, il vient habiter en toi. Anakuya kuikala ndani yako. C'est lui qui dit que je suis baptisé du Saint-Esprit. Il dit que Dieu habite en moi. Il n'est pas visiteur. Non. Il a élu domicile en moi. Il ne peut plus partir. Parce que lui, quand il habite un lieu ou dans une personne, il ne peut plus sortir. Maintenant, comment tu peux être baptisé de Saint-Esprit? Moi, baptisé de Saint-Esprit. Deux ans après, on se sépare. On ne se salue même pas. Oh, ils sont tombés. C'est nous. Nous aussi sommes tombés. C'est nous. Mais avant, on était ensemble. Mais l'Écriture dit, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Comme je donne souvent l'exemple, on sait tous à un moment donné blessé ou on a tous à un moment donné trébuché ou cogné quelque chose. Tu marches, tu ne vois pas une pierre devant toi. Dès que tu cognes, c'est le doigt du pied qui souffre. Dès que tu sens que ça fait mal, c'est tout le corps qui réagit. Et tu commences à pleurer, à gémir. Les yeux n'ont rien touché, mais les yeux commencent à pleurer. Parce que c'est un membre qui est blessé. C'est ça, bien-aimé. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Elle dit à Pierre et aux autres apôtres. Na wakambia Petro ba mitume bengine. Oh frère, que ferons-nous? Utafanya nini? Pierre leur dit, Petro repentez-vous Utubu. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez. Ce n'est pas du kit là tu es baptisé du Saint-Esprit. Vous recevrez. Amen. Amen. Le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Maintenant écoutez. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est lui que Dieu appelle. C'est qu'il est connu de Dieu. Et quand Dieu t'appelle, il sait l'objectif qu'il va atteindre avec toi. Le problème, ce n'est pas de venir. Non. Beaucoup viennent par habitude. Beaucoup viennent pour faire plaisir à un ami parce qu'il a tellement insisté. À mon mari, à ma femme, à mes parents. Ça, ce n'est pas l'église de mes parents. Ça doit être l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Quand tu réalises que c'est Dieu qui t'appelle, tu pourras chaque jour dire comme David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, à la maison de Dieu. Amen. Amen. Hébreux 6, verset 13. Quand Dieu promet quelque chose, il ne ment pas. Moi, je peux te promettre, d'ailleurs, je promets beaucoup de frères et beaucoup de gens, même déjà de ma famille. J'ai la bonne intention. Oui, à la fin du mois, je te donnerai tant. Et avec les dépenses, tu arrives, tu n'as plus ce que tu as promis. Bon, écoute, mon frère. Bon, prends un peu ça, mais on verra encore. Ça, c'est l'homme. Il est Nimuntu. C'est l'homme. Nimuntu. Oh, attends encore un peu. Peut-être que je n'ai pas encore oublié. Mais quand Dieu lui promet, il est sûr que j'accomplirai. Amen. Prenons le verset 13. Hébreux 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, écoutez maintenant, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Et dit, certainement, Akika, je te bénirai takubariki, et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, Ibrahim, ayant persévéré, kudumu, obtint ce qui lui avait été promis. Akapoke ya kile barimulaka. Il t'a promis, mais crois qu'il va le réaliser. Même la guérison, on peut prier pour toi. Si tu as cru que Dieu guérit par Jésus-Christ, même si tu ne vois pas la guérison, ne doute pas. Crois qu'il t'a guéri. Une semaine après, ça devient très grave. Crois que lui t'a guéri. Tu peux même dire à la maladie. Ok. Dio. Si c'est toi, mon ticket pour partir. Je suis prêt. Parce que vaut mieux quitter ce corps de souffrance. Être auprès du Seigneur. Et tu dis comme Paul a dit. La mort m'est un gain. Amen. Amen. Verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui me fait à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec beaucoup plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. C'est le diable qui est menteur et le père des mensonges, mais en Dieu il n'y a aucun mensonge. Quand il dit quelque chose, c'est la vérité. Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est oui et amen. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, Dieu ne changera pas. Dieu ne changera pas. Enfants, obéissez à vos parents. Dieu l'a dit. Même si le papa est déjà vieux de 100 ans comme ça, là, et toi tu es kaforoma, respecte ton parent. Dieu ne changera pas. Même s'il est pauvre, toi tu es président de la République, respecte ton père, respecte ta mère. Dieu ne changera pas. Amen. Amen. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Mon frère, ma soeur, après avoir cru, l'ennemi peut te dribbler. Il peut même te faire un judo. Toi, ne reste pas là. Invoque le nom du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, secours-moi. Parce que le problème du diable, c'est quoi? Il n'est même pas intelligent. Le diable, Shetani, il n'est pas intelligent. Il devait faire quelque chose. Dès que tu tombes, il monte vite pour aller t'acquiser. C'est lui qui t'a fait faire. Mais il monte pour t'acquiser. Parce que c'est l'accusateur de frère. Il arrive devant Dieu. D'où viens-tu? C'est une personne sans adresse. Il n'a pas d'adresse. Oh, je viens de parcourir toute la terre. As-tu vu mon fils Ngoindai Pierre à Kambo? Oh, bébé, je viens de le voir. Ah bon? D'ailleurs, il a fait. Il a fait. Ah bon? Dio. Lui, il est là. L'accusateur. Et Dieu est là. Comme juge. Toute personne qui acquise attend qu'on accuse celui qui l'a accusé. Il attend qu'on condamne. Même bon juge, on doit demander à l'accusateur s'il a un avocat. Amen. Et Dieu comme juge, ce n'est pas parce que le diable a accusé qu'il va tout de suite condamner. Il demande, est-ce que Ngoï Ndaï Pierre n'a pas d'avocat? L'homme qui a la droite de Dieu, il dit, mais voici, c'est moi son avocat. C'est toi l'avocat de Ngoï? Oui. Tu le connais? Oui. As-tu entendu l'accusation? Oui. Est-ce que réellement il a fait? L'avocat dit non, il n'a rien fait. Est-ce que vous comprenez? Là c'est l'avocat auprès du père qui est décédé pour nous. Aucun procès il peut échouer. Il réussit tous les procès. Il gagne tous les procès. Alors Dieu dit à l'avocat, est-ce que tu as les preuves de son innocence? Il dit oui. Bon, comprenez, ce n'est pas blanc, mais comprenez que ça c'est comme un tissu blanc. Maintenant, lui qui est l'avocat, là où il était avocat, et comme il a multiples fonctions, il se change. Il devient souverain sacrificateur. Amen. Amen. Il prend son sang. Il vient devant le juge. Il dit, regardez. Ngoï Ndaï est là. Regardez-lui. Il est blanc. Je regarde. Ngoï ici à Cambodge. Il est blanc. Plus blanc que neige. Alléluia. Amen. Alors, il est juge, non? Non. Il dit au diable, sors. Ngoï n'a rien fait. Lui revient ici. Ngoï s'est déjà repenti. Il est en train de chanter Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Na Yesu. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole est l'élève. Parce que la parole a touché, il s'est répandu. Aucun enfant de Dieu ne peut fauter et rester tranquille. Le Saint-Esprit en toi va te pousser à la repentance. Et dès que tu te repens, tu regrettes. Crois que Dieu t'a pardonné. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alléluia. Amen. Nous sommes les bien-aimés. Non seulement les bien-aimés, nous sommes ces bien-aimés. Amen. Amen. Romains 8. Voilà pourquoi, bien-aimés, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Qu'il n'y ait aucun accusateur parmi nous. Même si tu as vu ton frère ou ta soeur commettre quelque chose, la Bible te demande d'observer ce qu'il a fait comme faute, comme péché. Si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, l'Écriture te dit va l'accuser. C'est ce qui est écrit. La Bible dit prie. Ne chantez pas seulement. Oh, il a fait de nous les rhumes de sacrificateurs. Mais c'est pour intercéder. Nous. Et quand tu pries, là c'est 1 Jean 5. Hein? Quand tu pries, accorde ta prière. Dieu relève ton frère, Dieu relève ta soeur. Et quand tu dis Amen, mais crois que Dieu exauce ta prière et embrasse ton frère. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on parle de toutes choses, c'est toutes choses. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, toutes choses qui t'arrivent concourent à ton bien. Maintenant écoutez, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Il ne prend pas quelqu'un au hasard. Yashibeba que tout monde pas kaivi. Il n'appelle pas au hasard. Ashita keta ki pas kaivi. Il ne fait pas le tombola. Ashifanya ki una chakula chakula. Non. Apana. Écoutez. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Amen. Et ce qu'il a appelé, na bale arita, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, na bale arisabio aki, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Connu d'avance. Mbele. Cette avance ici, ce n'est pas le jour où tu es né. C'est avant même la fondation du monde, il te connaissait. Amen. Amen. Tes parents ne te connaissaient pas. Toi-même, tu ne te connaissais pas. Aucun âge ne connaissait. Mais Dieu te connaissait. Et quand il t'a prédestiné, il t'a appelé. Parce que ton temps était là. Ton jour était là. Et quand il t'a appelé, il t'a justifié. Justifié signifie devant Dieu, tu n'as jamais fauté. Tu n'es pas répréhensible. Non. Tu es en paix avec lui. Dès qu'il t'appelle, il commence à prendre soin de toi. Revenons à l'image d'un enfant naissant. Dès la sortie, on commence à le laver. Même s'il fait caca sur toi, maman, ou quelqu'un d'autre, tu ne vas pas le frapper. Tu ne vas pas le frapper. Ah, pourquoi tu as fait caca sur moi? Mais c'est naturel. Mais à 12 ans, il veut faire caca. Il vient sur toi, il fait caca. Là, tu prends la chicotte. N'est-ce pas vrai? Là, tu prends la chicotte. Moi, je me rappelle, à un certain âge, quand tu fais pipi au lit, on te frappe. Parce qu'on a grandi. Mais un bébé qui fait pipi sur une personne, c'est normal. Et tu le prends, tu le laves, tu le laves. À mon âge, je vais aux toilettes, dis maman, accompagne-moi. Maman, j'ai fini, viens me laver. Maman, il est malade, il est fou. N'est-ce pas vrai? Donc tu dois grandir. C'est ça la justification. Et tu dois être sanctifié. Amen. Chaque jour, un enfant de Dieu est appelé à être saint. Une mauvaise pensée passe. Prie le Seigneur pour l'éloigner. Tes yeux voient. Que le frère ne vous trompe pas, sœur. Moi aussi, je suis un homme. Je suis marié. Un vrai homme ne peut pas regarder les cuisses comme ça, là. Comme aujourd'hui, les filles et les femmes se promènent avec les habits ici, là. Il ne peut pas regarder les fois et rester tranquille. Un corps naturel réagit. Voilà pourquoi vous devez prier même pour nous. Voilà pourquoi vous devez bien vous habiller. On nous apprend dans ce message que beaucoup de sœurs seront accusées d'adultère et pourtant n'ont jamais commis adultère. Pourquoi? À cause de mauvais habillement. Chose grave. Beaucoup de femmes aujourd'hui, même des filles, ne sont même pas encore mariées. Pendant qu'elles se lavent, elles vont dans leur garde-robe. Bon, je vais choisir mon habit sexy. Déjà dans sa pensée, il appelle ça qu'il va porter comme un habit sexy. Ça veut dire quoi? Un habit qui se pose et attire dans le domaine sexuel. Et toi, sœur, pourquoi tu n'es pas habillé sexy aujourd'hui? Et tu es triste. On avait chassé ce mauvais esprit. La Bible dit, une femme doit s'habiller avec décence. Mwanamke anapasha kuvala na heshima. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ne vous plaignez pas. Dieu arrivera avec vous à son objectif, c'est-à-dire dans la gloire. Et nous devons savoir pourquoi le Seigneur promet de nous donner le Saint-Esprit. Sans rentrer dans toute l'histoire du commencement, prenons Genèse 6. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Au verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme des hommes étaient grandes sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient toujours uniquement vers le mal. Et il a dit, je retirerai mon cœur dans l'homme. Parce qu'il avait créé l'homme à son image. Il avait créé d'abord esprit. Et il a formé la terre. Et là, il a mis l'esprit de l'homme. Et c'est dans ce corps qu'il a pris la femme de l'homme. L'esprit de Dieu était dans l'homme dès la création. Mais à cause du péché, Dieu a regretté de le. Il ne pouvait plus laisser son esprit dans l'homme. Et il a retiré son esprit. Maintenant, dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 26. Nous lisons ceci. Nous lisons ceci. Nous essayons d'aller vite pour gagner du temps. Tukuna pima kwenda haraka jwa kununua wakati. Au verset 26. Mustara makumi mbili na sita. Je vous donnerai un cœur nouveau. Tamipatiaka moyo mupya. Maintenant écoutez. Sasa sikilizeni. Et je mettrai en vous. Na mita weka kandani. Un esprit nouveau. Ro mupya. Amen. Amen. Comme il avait retiré son esprit dans l'homme, maintenant il promet que pour mettre son esprit dans l'homme, il faut d'abord que Dieu enlève le cœur de pierre et lui donner un nouveau cœur. C'est dans ce nouveau cœur qu'il mettra son esprit. Voilà pourquoi en naissant de Dieu, nous recevons la nouvelle naissance. Ça veut dire un cœur nouveau. Et c'est là-dedans que Dieu met son esprit. Elle dit, na anasema, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Écoutez encore très bien. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Un enfant de Dieu, né de Dieu, il ne peut pas résister à la parole. Parce que c'est son être. C'est sa nature. On ne peut pas le forcer de croire. Parce que ça fait partie de lui. Retournons dans Romains. Romains 8. Le verset 11. Écoutez très bien. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il n'est pas visiteur. Moi, je suis chez mon frère Ndai. Mais demain matin, je pars. Je n'habite pas Kambove. Si vous m'habitez, si vous me demandez, vous habitez où, je vous donnerai mon adresse. L'Esprit de Dieu doit habiter dans chaque enfant de Dieu. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Je lis rapidement puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps. Dans la brochure Le Retour de Jésus-Christ. À la page 16, je vais sauter beaucoup de choses parce qu'on n'a pas le temps. La foi biblique est toujours ancrée dans les promesses correspondantes qui nous ont été dans la parole. La parole et l'Esprit de Dieu agissent ensemble dans les rachetés. L'Esprit de la promesse vient sur ceux qui ont reçu la parole de la promesse. En tant que consolateur, l'Esprit doit habiter en nous. Une onction ne suffit pas. De même que l'Esprit descendu sur Christ, le premier-né, qu'il demeura sur lui, et de cette façon revendiqua ses droits sur son corps terrestre, ainsi en est-il de tous ceux qui ont les droits de naissance. Ils reçoivent les prémices de l'Esprit. Amen. Celui qui veut expérimenter la transmutation de son corps mortel doit porter en lui-même la divine puissance de l'incorruptibilité. Je saute encore. Il existe une énorme différence entre une onction de l'esprit que beaucoup possèdent et l'essellement par l'esprit qui n'est accordé qu'à ceux qui expérimenteront réellement la transmutation. Amen. Amen. Un seul élément par l'esprit ne peut être expérimenté par ceux qui comme Abraham ont été appelés à sortir de Babylone. Amen. Amen. Amen. Beaucoup de croyants expérimentent une onction de l'esprit. Et peuvent se glorifier de grandes choses. Cependant, ils suivent malgré cela leur propre chemin. Et ils ne se laissent pas amener à être en accord avec la parole. Et vous pouvez continuer à lire. Nous pouvons gagner du temps. Amen. Amen. Prenons Ephésiens. Tu bébé ou Ephéso. Chapitre 1er. Sura ya kwanza. Commençons au verset 3. Tuanze kumstara ya 3. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Asifiwe Mungu na Baba wa wetu Yesu Kristo. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Ulari tubariki na mabaraka yote ya kiroho. Dans le lieu céleste en Christ. Mali ya juu ya mbingu ndani ya Kristo. Tout ce que tu dois recevoir. Byote ile unapasha kupokea. Doit venir d'en haut. Binapasha kutokea kule juu. Et ce sont des choses originales. Nani bitu bile bia bia kweri. Ce ne sont pas des falsifications. Aina bitu bile basha kubigeuza geuza. Ce n'est pas piraté. Aina ma piraterie. C'est original. Ni bia kawaida bia sasa. En lui, verset 4. Ine ndani yake. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus. Mungu alituchakula. Avant la fondation du monde. Mbele ya misingi ya dunia. Ça c'est oui, amen. Amina. Pourquoi il nous a élus? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Bila kemeo mbele yake. Vous pouvez continuer à lire. Munaweza kuendelea kusoma. Amen. Amen. Verset 7. En lui, Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, pas un péché, le pardon de beaucoup de mes péchés. Amen. Selon la richesse de sa grâce. Verset 11. En lui, Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Maintenant, écoutons le verset 13. En lui, vous aussi. En lui, nous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il n'est pas dans une chambre de prière. Il est dans le ciel. Amen. Amen. Verset 14, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Maintenant, laissez-moi vous lire ce que c'est qu'être scellé. Ne fabriquez pas. N'imitez rien. Dans la prédication de Frère Branham à l'ouverture du sceau, la prédication la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Dans cette brochure de Saint-Pépé à la page 7, au paragraphe 45, nous lisons ceci. Lisons un peu dans Ephésiens 1, 13, 14. Et il a lu ce que nous venons de lire. Paragraphe 46. Tandis que les saintes écritures sont encore ouvertes, vous voyez là que le Saint-Esprit lui-même est un sceau. Le Saint-Esprit est un sceau. Que signifie un sceau? C'est une œuvre achevée. Quand Dieu te scelle, tu es une œuvre achevée. Le Saint-Esprit est un sceau pour l'individu. Et pour celui-ci, quand il reçoit le Saint-Esprit, le temps de pleurs et de gémissements est passé. Parce que c'est une œuvre achevée. Je saute beaucoup. Paragraphe 48. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il va. Il inspecte la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir ces choses. C'est parce que vous dites, j'ai parlé à la langue, j'ai crié, même si tu cries, moi je t'observerai seulement. Je dirai non, ça c'est pas le Saint-Esprit. Crier ne suffit pas que tu as le Saint-Esprit. Tu peux avoir une émotion, tu te jettes même par terre. Mais le Saint-Esprit n'agit pas comme ça. Il n'agit pas comme ça. Ce n'est pas un signe. Quelqu'un peut être calme. Il écoute la parole. Il loue Dieu. Il dit Amen. Sans crier. Mais il est scellé du Saint-Esprit. Il dit, j'ai parlé à l'homme. J'ai crié. J'ai dansé dans l'esprit. Ça ne veut rien dire. Cela n'a aucun rapport. Le Saint-Esprit inspecte cette personne. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le prophète. Ce n'est pas le prédicateur. Mais le Saint-Esprit inspecte cette personne jusqu'à ce qu'il soit entièrement satisfait et reconnaisse qu'elle est prête. Alors, il la seule pour la destination éternelle. Plus rien ne peut jamais briser ce sceau. Je saute encore. 53. Un sceau signifie encore autre chose. La propriété. Mali. Le sceau porte une marque qui désigne le propriétaire. Quand vous êtes acheté par le sang de Jésus-Christ et scellé par le Saint-Esprit, vous n'appartenez plus au monde ni à rien de ce qui est au monde. Vous êtes la propriété de Dieu. Vous ne vous appartenez plus. Vous êtes à Dieu. Et vous êtes de Dieu. Amen. Amen. Autre chose encore. Un sceau est une assurance. Le sceau signifie que vous êtes assuré. Vous qui ne croyez pas en l'éternelle assurance, sachez que ça signifie sécurité, garantie jusqu'à la destination. Malheur à celui qui essaierait de briser ce sceau. Et le sceau du Saint-Esprit ne peut être brisé. M'avez-vous déjà entendu raconter que des gens disent le diable m'a fait faire cela. Oh frère, ce n'est pas moi, c'est le diable. Non, non. Apana. Ce n'est pas le diable. Aina shetani. C'est simplement que vous n'étiez pas à l'intérieur et scellé. Nitu. Akukwe ndani mwenye kutiwa muri. Parce que quand vous êtes scellé à l'intérieur, wakati uko mwenye kutiwa muri ndani, le diable lui est scellé à l'extérieur. Shetani yeye anatiwa muri nje. C'est vous qui êtes sorti à la rencontre du diable. Ni wewe ndio ulitoka unaenda kukutana na shetani. Il ne pouvait pas entrer en vous. Akuweza yeye kuingia ndani yako. Parce que le seul processus qu'il aurait pu suivre, sababu njia tu mwalipasha kufuata, pour entrer en vous, ndio kuingia ndani yako, est celui que vous avez utilisé vous-même. Ni ile wewe uyo ulifuataka. Il aurait dû être sauvé. Il aurait dû être sanctifié. Être rempli du Saint-Esprit. Alors s'il a fait ça, il aurait été votre frère. Mais vous voyez, il l'a pas fait. Oh non. C'est vous qui vous êtes approché de la ligne de séparation. Revenez à la convoitise des choses de ce monde. Vous n'êtes jamais entrer complètement en Canaan de l'autre côté du Jourdain, qui est la mort à soi-même. Et vous pouvez encore lire. Bien-aimé, la promesse du Père, c'est pour nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est de notre droit de le demander à celui qui a promis. Père céleste, Baba wa kumbingu, tu me connais, urenijua, tu m'as appelé, urinita, ne me laisse pas seul, apana kunyacha peke, viens faire ta demeure en moi. Uya, ufanye makao yako ndani yangu. Tu as promis, urilaka, tu as promis d'achever, urilaka kumaliza, avant l'achèvement, mbele ya kumaliza, scelle-moi de ton Saint-Esprit, unitie muhuri ya Roho Mtakatifu yako. Dis-moi, unyambie. Là où je dois réparer, je suis prêt. Aide-moi à être en ordre avec toi. Purifie-moi. Je suis ton enfant. Tu as promis dans ta parole que tu châties celui que tu reconnais pour fils. Châtie-moi si je fais quelque chose. Mais ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Tu m'as aimé. Tu m'aimes et tu m'aimeras. Donne-moi ce dont j'ai besoin. C'est notre devoir. Il a promis. On ne l'oblige pas à le faire maintenant. Mais c'est mon devoir de le lui rappeler. Et si je l'ai déjà reçu, je ferai tout pour garder sa confiance. Voilà pourquoi il est écrit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Un enfant de Dieu ne peut plus se perdre. Parce qu'il ne s'était pas trompé. Prenons Colossiens. Excusez-moi. Retournons d'abord à Ephésiens 1. Verset 16. Je n'essaie de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Colossiens 3. Nous allons gagner du temps rapidement. Colossiens 3. Verset 1er. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mettons-nous debout tout en lisant 1 Thessaloniciens verset 23. Après, nous chanterons un petit cœur. La victoire est dans le sang. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutons très bien. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ils ont très fort. Amen. Amen. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire. Gloire, gloire, gloire, puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire, ville honneur. La victoire est dans le sang. Bombe, sous-titrage.